forces de l'ordre. Avec ma horde fumée, ça reste dans mes cordes. 94 hardcore décor. Sors chez toi un peu et viens voir ce qui se passe dehors. À force de voir les keufs, les schlags, les leurs, le cash, les fous, les fâches, les tours, la drogue, les cloques et les bouffes au bord du gouffre. Frère, c'est clair, ouais, j'étouffe. Ce putain de monde fait flipper. Manque d'unité comme au sein de ma communauté. Trop de sadiques, trop de machetés, que ça traumatise. 2094, c'est l'apocalypse. 2094, toujours les mêmes au pouvoir. Les mêmes aspects plus déterminés à nous avoir. Opération coup de poing dans les souterrains du ghetto. À part ça, quoi de neuf? Rien que du bluff. On a toujours la même envie de brasser un match de bif. Et chaque semaine, on compte un dealer de plus dans la rue. Le bif s'élargit et c'est de plus en plus chaud. Car les Schmitts s'épuisent. Sont toujours à la ville dans le 9-4 qui change. C'est les tampons sur les pylons. La qualité reste la même. T'inquiète, c'est du bon. Les tocs et les tasses sont de plus en plus précoces. C'est la justice, justice. Et plus à deux, mais à trois vitesses. À part ça, rien de neuf. On a toujours la même haine, les mêmes peines, la même rengaine et les mêmes problèmes. 2-0-9-4, les temps sont violents, dangereux, dangereux. Sortir sans armement, pas sentiment sur le bitume. Les affaires, c'est les affaires. Dans la hue, la hure, c'est de plus en plus vénère. Les sentences sont de plus en plus radicales. 2-9-4, toujours pas de place pour les pédales. En 2-0-9-4, les keufs plaquent les mômes de 5 piges. Pixarco, petit-fils, dirige l'état. La fille à Marine Le Pen a fait un putsch en Afrique du Sud avec le neveu à George Bush. Marianne est la boîte. Trop de squales sur la dalle, une daronne sur 10, smoke le cristal. Tout le monde écoute le dernier Tupac featuring Elvis. En direct d'un cimetière à Memphis. On apprend aux gosses à l'école, après qu'il y a des armes. Et dans le beat d'un bébé, on fait passer la cam. Les galeries Lafayette, plus grande armurerie du monde. On y trouve des M16, des mines, des bombes. Le squelette de Chirac, toujours au métard. Ton cul sera plein de crack en 2-0-9-4. Aïe aïe aïe, 2-0-9-4. FOX, c'est l'an 2000. Du 94, nique les forces de l'ordre. Faut les pendre avec une corde, gros. VDF, c'est toujours rapace. Le fric qu'on amasse, les faux MC sur piton tapasse. Écoute ça, maintenant les putes jouent les numbos. Trop marrant comme un gars qui veut jouer le cospo. Aujourd'hui, de plus en plus de rappeurs l'ouvrent. Mais n'ont rien à dire, dis-moi combien prouve. Faut leur dire la vie, c'est la réalité. Refrain, si t'en prends une, tu vas pas te relever. Armée, venez à 10 ou à 14, c'est la même, hein. En l'an 2094. Le même avec ou sans paplard, s'intégrer dans ce pays de bâtards. Cœur noir, pas d'amour, pas d'espoir. Horizon funèbre, all 7 quartier rouge. La spirale reflète terre, c'est encore notre majeur dans le cul de leur mère. La rue c'est speed, pas le time, rigole up, c'est dangereux. Toujours pas conforme aux normes, fuck l'uniforme bleu. 94 féroce, nique le code pénal. Juge, proc, magistrat, pas le droit anal. C'est l'an 2000 vu du 9-4. Nouvelle acte, nouveau pacte. Pour un rien, on se braque. Nouveau siècle, nouvelle ère, des calibres dans les fouilles. Yo, la jeunesse part en couille, entre potos, ça se douille. C'est l'an 2000 vu du 9-4. Nouvelle acte, nouveau pacte. Pour un rien, on se braque. Nouveau siècle, nouvelle ère, des calibres dans les fouilles. Yo, la jeunesse part en couille, entre potos, ça se douille. C'est l'an 2000 vu du 9-4. Nouvelle acte, nouveau pacte. Pour un rien, on se braque. Nouveau siècle, nouvelle ère, des calibres dans les fouilles. Yo, la jeunesse part en couille, entre potos, ça se douille. C'est l'an 2000 vu du 9-4. Nouvelle acte, nouveau pacte. Pour un rien, on se braque. Nouveau siècle, nouvelle ère, des calibres dans les fouilles. Yo, la jeunesse part en couille, entre potos, ça se douille.